tu appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas pour qu'elles existent d'elles-mêmes. Par deux mots, Lazare des morts, tu ressuscitas. À Pierre, tu dis viens. Il marcha sur la mer, par milliers tu guéris des malades, rien que par la parole de ta bouche. Et un jour n'as-tu pas menacé le vent et la mer agitée, qui à l'instant se calmait à l'écoute de ta voix. Alors Seigneur Jésus,